Annie-Christine Tardy. Carrément, les enfants sont un peu abandonnés. On leur donne des petites choses, des petits travaux, mais ils finissent par décrocher, ils finissent par ne plus écouter. Et quand, ce qu'on veut pas créer, les ghettos, mais finalement, quand il y en a 3-4 dans une classe, ben, ils finissent par se regrouper, ces 3-4-là, ensemble, puis à laisser à parler leur langue à eux, là. Donc, les élèves sont en classe, mais n'apprennent pratiquement rien. Ils trouvent pas ils peuvent pas vivre de réussite, ils peuvent pas être motivés. Puis, évidemment, ben, ils développent probablement une aversion pour l'école, là. Je veux dire, il y a rien qui correspond à leurs besoins. Ben oui, on se met à leur place. Regardez, à moins d'un miracle, et j'admire énormément les gens qui s'en sortent, je le dis, là, on forme les futurs BS. On va se dire les vraies affaires à matin, là. On fait venir des gens d'ailleurs qui vont venir ici, et on forme beaucoup de futurs BS qui seront aucunement intégrés à la société québécoise, mais le Québec pourra se vanter d'accueillir 50 000 immigrants par année, et tous ceux qui vont remettre ça en question, c'est toute une gang de xénophobes, de racistes, on va passer, on va me faire traiter tous les noms encore. Je sais qu'est-ce qui est arrivé quand l'ADQ, c'est exactement ce que l'ADQ proposait, de réduire le nombre d'immigrants, parce que Mario Dumont disait, il y a quelques années de ça, tu sais, lui qu'on a jeté dehors là, de l'Assemblée nationale, on n'a pas les moyens de les franciser.